Ashida sort du drugstore et les rejoint. Une voiture de police tourne l'angle en direction du nord et frôle le trottoir. Pinker, Blanchard et Mix se mettent au garde à vous. Pinker dit « Tenez-vous à carreau maintenant ». Mix dit « C'est Whiskey Bill ». Blanchard dit « Ce salopard hypocrite ». Un capitaine en uniforme sort de la voiture et inspecte l'invention d'Ashida. Il porte des lunettes, il est brun, de taille moyenne et mince. Pas d'erreur possible, c'est le capitaine William H. Parker. Ashida se met au garde à vous. Parker examine le câble de déclenchement. Pinker, Blanchard et Mix adoptent la position repos. Parker touche le câble du bout de sa chaussure. C'est ingénieux, mais les applications pratiques dans un domaine plus large m'échappent encore. Développez cet aspect, décrivez en détail la genèse de votre invention et son fonctionnement d'un point de vue mécanique, et je veux avoir votre rapport sur mon bureau avant 9h demain matin. Ashida et Pinker hochent la tête. Parker regarde Mix. Votre corpulence est franchement disgracieuse. Perdez 15 kilos dans les 30 prochains jours, sinon je demande au directeur CB O'Roll de vous mettre au régime pour Marie Obèse, qui a récemment reçu les louanges du Ladies Home Journal. Mix hoche la tête. Parker regarde Blanchard. Baissez vos manches de chemise. Cette sirène tatouée sur votre bras, c'est répugnant. Blanchard s'exécute. Parker tapote le cadran de sa montre. Il est maintenant 10h31. Je veux un rapport sur le vol de la voiture ainsi qu'un synopsis de l'attaque du drugstore sur mon bureau dans 59 minutes. Pinker hoche la tête. Ashida hoche la tête. Blanchard et Mix idem. Parker remonte dans sa voiture et disparaît. Mix dit « Whiskey Bill ». Blanchard dit « Il a perdu de l'argent sur mon combat contre Jimmy Bivens. Il ne l'a jamais digéré. » Pinker dit « Le combat était truqué. Vous auriez dû l'en informer. » Thank you. Des blindés semi-chenillés descendent Spring Street. Ils sont suivis par des camions tractant des obusiers. Le convoi s'étire sur plusieurs pâtés de maisons. On ne parle que de ça à la radio. Des renforts pour protéger les usines d'armement et le camp MacArthur. Les soldats chauffeurs saluent les autochtones. Les piétons s'arrêtent pour les applaudir. Les hommes se découvrent sur leur passage, les gamins les acclament, les femmes leur envoient des baisers. Le vacarme des véhicules militaires est assourdissant. Ashida tourne dans la 4e rue en direction de l'est, puis s'engage dans Broadway pour monter vers le nord. Les passants continuent de le regarder de travers. Close to danger, even your friends are se sent désincarné. Il a enfreint la loi pour observer la façon dont un criminel la bafoue dès le début de son acte délictueux. Il a succombé à la pathologie du crime. Il a lancé une expérience. Un accès précoce aux données du problème et une empathie distanciée lui permettront-ils de comprendre plus clairement les criminels ? Égoïsme, orgueil immodéré, prérogatives perverses, intrinsèquement japonais. Il pressent une occasion d'entrer dans les annales grâce à une publication qui fera date. Il faut qu'il soit le premier à définir la pathologie d'un banal braquage et à faire connaître ses découvertes. Il se pourrait que l'édite découverte serve la cause plus générale de la criminologie médico-légale. Il se pourrait que ces découvertes ne servent à rien du tout. Mais Ashida se sent poussé à agir. Il est typiquement japonais. Les Japonais viennent au monde pour incarner le concept d'action. Ashida se dirige vers l'est et atteint Little Tokyo. Son rythme cardiaque ralentit, sa respiration s'apaise. Une voiture de police passe à faible allure. Le conducteur le reconnaît et lui adresse un signe de la main. Sa mère a un appartement dans un immeuble sans ascenseur à l'angle de la 2e rue et de San Pedro Street. Les couloirs empestaient constamment l'anguille grillée. Ashida a un appartement à lui en face de Belmont. Il est bourré de matériel de laboratoire. Le trop-plein de son équipement remplit son ancienne chambre chez sa mère. Mariko se réjouissait de ses intrusions. Elle lui permettait de le harceler à loisir. Ashida entre dans l'immeuble et déverrouille la porte de l'appartement. Le silence y règne. Mariko est partie quelque part. Pour s'alcooliser sans doute et ruminer de nouvelles machinations. Ashida se rend dans son ancienne chambre et s'y enferme. Des étagères remplies d'ouvrages de référence, des fioles et des bacs, des vases à bec, des becs Bunsen, une plaque chauffante, un spectrographe et 3 microscopes vissés à une table. Do you like castor oil? Let us go for a walk. It is a perfect fit. Wake up and brush your bush. Put on the petticoat. I bought it for you to wear. Do you like castor oil? Don't worry, dear. I am your shoemaker. Let us go for a walk. Well, I'm very well hung. And willing is much more fun. Your walk is a walk so tall. It is a perfect fit. Ashida pose sur la table les débris du projectile et ouvre son manuel d'identification des munitions. Une loupe en main, il observe les rayures et les déformations. La balle a traversé une plaque de plâtre. Le manuel comprend un système de référence croisé, type de munitions et matériaux sur lesquels elles sont projetées. Page 68, plaque de plâtre. Deux pages plus loin, un fragment de balle aux rayures et déformations quasi identiques. L'arme de poing classique de fabrication allemande, le Luger 9 mm. Le système d'éjection du Luger est particulier. Les douilles décrivent un arc de cercle à vitesse modérée. Un tireur habile peut les attraper au vol au moment où elles sont éjectées. Ashida a identifié le projectile par ses propres moyens. Il en a gardé deux fragments pour lui. Il a donné les quatre autres à Pinker, qui parviendra ou non à les identifier de son côté. Pinker n'a pas les mêmes compétences que lui en la matière. Ashida a donc décidé d'exploiter seule cette piste matérielle particulière. Deuxième étape, les fibres. Pinker sait qu'il a conservé les fibres trouvées sur le tourniquet métallique. Pinker sait qu'il a ici même des fibres provenant d'un brassard. Cette piste-là, il la partage. Jusqu'à présent, elle n'est qu'hypothétique. Ashida sort les deux échantillons de fibres. À l'œil nu, elles semblent identiques. Il les présente sous l'objectif du microscope qu'il utilise pour les comparaisons. Il choisit un fort grossissement. Il examine la texture et l'homogénéité de la couleur. C'est presque ça, augmente encore le grossissement. Oui, les fibres trouvées sur le tourniquet proviennent du même type de brassard. Il pourrait en extraire la teinture par ébullition et la recueillir sur du buvard. Il pourrait lui faire subir des tests chimiques. Mais ces tests possèdent certains défauts intrinsèques. Les résultats risqueraient de ne pas être concluants. Thank you. Sunflower Bean à l'instant sur le 100 FM. On continue ensuite avec Jess and the Ancient Ones. Et la sélection, encore une fois, va être entrecoupée d'autres textes. Cette fois-ci, ce sont des textes tirés du bouquin de Naomi Klein, Tout peut changer sur le réchauffement climatique et le capitalisme. Yeah. Nous savons que si nous continuons, comme à présent, à laisser les émissions de gaz à effet de serre augmenter d'année en année, le réchauffement planétaire va bouleverser tout ce dont est fait notre monde. Il est plus que probable que de grandes villes se verront englouties et les cultures ancestrales immergées sous les flots, que nos enfants passeront une bonne partie de leur vie à fuir ou à tenter de se remettre de tempêtes effroyables et de sécheresses extrêmes. Et nous n'avons pas grand-chose à faire pour qu'un tel avenir se concrétise. En fait, il suffit de ne rien faire et de poursuivre sur notre lancée, à savoir attendre le salut des technologies, continuer à cultiver notre potager ou nous raconter que nous sommes malheureusement trop occupés pour prendre la situation en main. Should I take the high road? Or should I take the low? I'm not even afraid, though there's nowhere to go. So if you take the high road, I'll take the low. There's some place high above the stars that we all know. So if you take the high road, I'll go down the low, to that place high above the stars that we all know. 'Cause it's better that way, it's much better so. All the same, there's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, where they were put in boxes and they came out all the same. And there's doctors and lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martinis dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, where they are put in boxes and they come out all the same. The boys go into business and marry and raise a family in boxes made of ticky-tacky, and they all look just the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. Il suffit que nous ne réagissions pas comme s'il s'agissait d'une crise avérée. Il suffit de continuer à nier l'ampleur de notre effroi. C'est ainsi que, petit à petit, nous atteindrons le point de bascule que nous redoutons par-dessus tout et dont nous avons systématiquement détourné le regard, sans avoir rien de particulier à faire. Thank you.

Il existe des moyens de se prémunir contre un avenir aussi sombre, ou du moins d'en atténuer significativement le caractère funeste, à condition de tout changer de fond en comble. Ce qui implique, pour les consommateurs à outrance que nous sommes devenus, une mutation complète, tant de notre mode de vie que du fonctionnement de l'économie, voire des discours que nous tenons quant à notre place sur la Terre. La bonne nouvelle, c'est que bon nombre de ces moyens n'ont rien de catastrophique, qu'ils sont même absolument passionnants, mais il m'a fallu beaucoup de temps pour en prendre conscience. word from Tony says, so long, Tootsie. He says, who cares if you're laughing at me? He says, so what if you're lying to me? Tony says to Karen, I don't care. Karen says to Tony, je me souviens du moment précis où j'ai cessé de détourner mon regard des enjeux climatiques, ou du moins où je l'ai laissé s'y attarder. C'était en avril 2009 à Genève. Je devais rencontrer à l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, l'ambassadrice bolivienne, une femme étonnamment jeune répondant au nom d'Angelica Navarro-Llanos. Parce que la Bolivie est un pays pauvre dont le budget consacré aux affaires internationales est très modeste, Navarro-Llanos venait de se voir confier le dossier du climat, qui s'ajoutait à ses responsabilités relatives au commerce extérieur. Alors que nous déjeunions dans un restaurant chinois presque désert, elle m'a expliqué, en se servant de ses baguettes pour dessiner un graphique de l'évolution des émissions de GES, qu'elle considérait le dérèglement climatique comme une terrible menace pour son peuple, mais aussi comme une opportunité. As I walk this world of promises and sorrow, hate and fear, as I read the daily newspapers mixed with memories dear, as the letters don't arrive, I still look towards the skies. There has never been a love like you, never been a love like you. I see you in some photographs with your distant smile. Some say you went to Canada, some say you're in denial. Was it something someone said? I guess we must forgive. There has never been a love like you, never been a love like you. As I hold you in my arms and gently sleep, I keep dreaming of a heaven and just you and me. There has never been a love like you, I thank you for your energy, and I thank you for the clothes, I thank you for the car I drive and all the money that I owe. If there was something I could ever do, you know I'll always be needing you. There has never been a love like you, never been a love like you. As I hold you in my arms and gently sleep, I keep dreaming of a heaven and just you and me. Been a love. there has never been a love. Pour des raisons évidentes. La Bolivie dépend en grande partie de glaciers pour son approvisionnement en eau potable et l'irrigation de ses terres, et les blancs sommets des montagnes qui en surplombent la capitale sont en train de virer au gris-brun à un rythme alarmant. Quant à l'opportunité, m'a expliqué Navarro Llanos, elle résidait dans le fait que les pays comme le sien, ayant peu contribué à l'emballement des émissions, étaient dès lors en position de se déclarer créanciers climatiques. De sorte que l'argent et le soutien technique des grands émetteurs allaient leur permettre de couvrir les coûts exorbitants qui sont induits par les catastrophes attribuables au climat et de se développer en empruntant la voie des énergies vertes. Yeah. le cadre d'une conférence des Nations Unies sur le climat, l'ambassadrice venait de prononcer un discours où elle exposait ses arguments en faveur de tels transferts de richesses, discours dont elle m'a remis une copie et où on lisait « Des millions de personnes qui vivent sur de petites îles, dans les pays les moins avancés ou dans des États enclavés, de même que des collectivités vulnérables du Brésil, de l'Inde, de la Chine et d'un peu partout dans le monde, subissent les conséquences néfastes d'un problème auquel elles n'ont pas contribué. Pour inverser la courbe des émissions d'ici 10 ans, il nous faut une mobilisation massive, la plus importante de tous les temps. Il nous faut un plan Marshall pour la planète. Ce plan devra prévoir des transferts financiers et technologiques d'une ampleur inédite. Il devra apporter la technologie sur le terrain, dans chaque pays, pour assurer à la fois la réduction des émissions et l'amélioration de la qualité de vie des populations. Nous n'avons qu'une dizaine d'années devant nous. Silence, I'm good at talking by myself. Your voice is frozen off from what I told you. Just trying to keep you off the shelf. Don't you worry, I'm stringing you along. Feeling dizzy with the sandstorm temper, ouch. Get me out of the heat. I'm feeling dizzy with the sandstorm temper, ouch. Get me out of the heat. Get me out of the heat. Let me out. Somewhere nice and cold. This lust is luster. Say you never ever come true, like you're in a surgery, medicated, hazy. Laugh in my face if you still don't know how. Flare me out. Someone nice and cold. It's lust is lust. And no one goes. I'm feeling dizzy with the sandstorm temper out. Plan Marshall pour la planète coûterait évidemment très cher. Des centaines, voire des milliers de milliards de dollars. Navarro-Llanos s'est montré réticente à énoncer des chiffres précis. On aurait pu penser qu'un tel coût à lui seul vouait le plan à l'échec dans la mesure où, en 2009, la crise financière mondiale battait son plein. Cela étant, l'implacable logique de l'austérité consistant à faire assumer le sauvetage des banques par les populations en procédant à des licenciements dans le secteur public, en fermant des écoles, etc., n'était pas encore entré dans les mœurs, de sorte que loin de faire apparaître les idées de Navarro-Llanos comme irréalistes, la crise avait l'effet inverse. This is the way I remember him. Despair in his eyes, a bright breeze on his side. You always have me forget him. This freezing London nights, and all he's left behind, a hollow sun. I never see such thing. You blew my mind forever. He knows industry's arts that brought him back to life. I've heard he's doing quite well. I died to see him smile, but I think I had my time. A hello son, I never seen such thing. You blew my mind. Change amazing. Nous venions tous d'assister à la mobilisation de milliers de milliards de dollars organisée par les élites dès lors que ces dernières eurent décidé de déclarer l'état de crise. Si on laissait les banques faire faillite, nous avait-on affirmé, le reste de l'économie s'effondrerait. C'était une question de survie collective et il fallait donc trouver l'argent sans attendre. Dans le processus, des mythes économiques parmi les plus tenaces furent mis à nu. Besoin d'argent, imprimez-en. Quelques années auparavant, dans la foulée des attentats du 11 septembre, nombre de gouvernements avaient fait appel au trésor public dans un esprit similaire et dans nombre de pays occidentaux, les contraintes budgétaires ne les avaient empêchés ni de multiplier les mesures de surveillance et les politiques sécuritaires sur leur propre territoire, ni de se lancer dans de coûteuses guerres à l'étranger. I'm sorry. Jamais le dérèglement climatique n'a fait l'objet de pareil traitement de la part de nos dirigeants. Quand bien même il risquerait de faire beaucoup plus de morts que l'effondrement de grandes banques et autres gratte-ciel. La réduction des émissions de GES, qui selon les scientifiques permettrait d'atténuer considérablement le risque de catastrophe, se voit considérée comme une simple recommandation ou relevant d'actions que l'on peut reporter indéfiniment. Manifestement, pour qu'une crise devienne une crise, les rapports de pouvoir et les priorités établies ont autant d'importance que les faits concrets. Mais en l'occurrence, nous n'avons pas à nous contenter d'agir en spectateur. Les politiciens ne sont pas seuls à détenir le pouvoir de déclarer une crise. Les mouvements citoyens de masse sont également en mesure de le faire. Thank you. toujours sur le 100 FM Lost in Space, votre émission rock, punk et aussi musique expérimentale et industrielle, comme on l'a eu à l'instant avec Alimentation Générale. On continue dans le même genre avec les Residents français, c'est ainsi qu'on appelait Ptose, et vous allez entendre In Your Bush, entrecoupé d'extraits d'un interview de Sergio Martino, cinéaste italien, dont l'interview a été diffusée dans Culture Prohibée, une des autres excellentes émissions de notre grille. faisait beaucoup plein de séquences. J'aime beaucoup avoir la possibilité de couper rapidement le cadrage. L'inspiration plus importante pour moi, il m'a donné Costa Gavras, qui était un metteur en scène qui avait le rythme dans son... Je me souviens quand je vois ses films, tous les personnages ne se promènent jamais. Il va toujours... Tum, tum, tum, tum, tum. C'est toujours... même dans l'image statique, il y a toujours à l'intérieur du rythme. Et je crois que le cinéma, c'est surtout rythme. Une de mes expériences plus importantes, c'est quand je vais dans le cinéma à voir mes films, et je suis caché, scotché, comme on dit, devant le public. Et si je vois les personnes qui commencent à changer position dans la siège, ça veut dire qu'il doit, pour être capturé de l'image, il faut rester toujours comme ça. Et quand je revois les personnes, la gens qui commence à changer position dans la siège, je crois qu'il y a un moment qui... Et une chose que m'a dit Fellini quand j'étais très jeune, il dit chaque film doit avoir suspense. Ça veut dire qu'il y a un souci aussi pour un film romantique. On ne doit jamais prévoir ce qui passera dans la prochaine scène, et on doit même parler dans la scène de ce qu'on a vu avant. Ça veut dire que chaque scène, on doit avoir la suspense à l'intérieur, de voir quelque chose que le public n'entend pas. Je ne veux pas tout.